Le vacarme lointain bourdonnait d'un écho de plus en plus insistant à mesure que je m'enfonçais dans la forêt, comme un détecteur de métal à l'approche de la découverte d'un trésor. Arrivé devant une porte en bois haute de 4 mètres, je posai ma main sur une imposante charnière de cuivre, reprenant mon souffle. J'avais traversé toute la forêt d'un trait, l'itinéraire d'une libellule m'ayant servi de guide. Un coup par la gauche, puis un par la droite. Un demi-tour face au noyer et un passage sous les lianes d'un saule pleureur, en évitant délicatement d'écraser une jonquille naissante, qui poussait de tout son être en direction d'un puits de lumière, entre les ramifications de 2 imposants chênes. Une atmosphère onirique, presque magique, maintenait la forêt dans un état de quasi-apesanteur. C'était comme si, quelque part, on tissait le décor de ce paysage avec l'essence des nuages. Le lieu semblait flotter juste au-dessus du sol, ou le toucher délicatement, selon l'angle du regard. Ce qui m'avait attiré ici, ce bruit. Il résonnait singulièrement en moi. La libellule l'avait bien compris puisqu'elle m'amena, comme si je le lui avais demandé, devant cette majestueuse porte, qui cachait ce qui n'était d'abord qu'un vacarme lointain, puis un bruit, et maintenant, un écho à mon cœur. Les deux battaient à l'unisson. Subrepticement, la neige s'invita, voulant elle aussi participer à la fresque que je vous décris. La météo, dans un poudroiement de cristaux blancs, enneigea les champignons, les arbres, le sol et les fleurs, adoucissant par là la vue d'un voile de blanc délicat. La musique s'était arrêtée. Quand ? Je ne m'en étais pas rendu compte. Puis, mon instinct tira mes yeux en direction du ciel. J'ai à peine eu le temps de voir une main, au-dessus de la mienne qui se tenait encore sur la porte, chasser les motifs de grésil sur une fenêtre à carreaux située en hauteur. Cet écho à mon cœur, il provenait donc bien de derrière cet ouvrage de bois. Cette main en était probablement l'auteur. Je relevai le loquet, poussai la porte et entrai.